الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله يا إخوة. Aujourd'hui, le samedi 30 Dhul-Qa'da de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 10 juillet, j'ai le plaisir de vous retrouver afin d'entamer une nouvelle série de cours par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, que j'espère qu'elle me sera bénéfique à moi le premier, ainsi qu'à mes frères, en Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout que nous la commençons pendant des jours à venir, des jours bénis, les meilleurs jours de l'année, les 10 premiers jours du mois Dhul-Hijja. On va parler rapidement de ce début de mois Dhul-Hijja, le mois sacré Dhul-Hijja, avant de commencer notre cours. Mais ça, c'est une intention supplémentaire pour entamer ce cours pendant cette période, en espérant une bonne action, une des meilleures bonnes actions, qui est la demande de science et la propagation de la science pendant ces jours-là. Donc le mois Dhul-Hijja commence demain, Inch'Allah Ta'ala. Demain, le dimanche, le 11 juillet 2021, sera le premier Dhul-Hijja. Et parmi les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le serviteur, c'est de lui permettre d'atteindre des périodes bénies telles que cette période, à savoir les 10 premiers jours du mois Dhul-Hijja. Et ça, c'est la première adoration que tu puisses avoir en début de ce mois, c'est de réaliser, d'être sensibilisé à l'immensité de la ni'ma qu'Allah t'a accordée. Il t'a permis d'être en vie pendant cette période. Il t'a permis de vivre jusqu'à cette période bénie. Donc ça, c'est la première chose avec laquelle tu puisses démarrer cette période. C'est d'être sensibilisé à l'immensité de la ni'ma. Et bien évidemment, quelqu'un qui réalise la grandeur de cette ni'ma, de vivre, alors que d'autres personnes sont mortes bien avant, de vivre, et Allahu a'lam, est-ce que Allah nous permettra de vivre pendant tous ces 10 jours et de profiter de leurs bienfaits, ou prendra notre âme avant la fin de ces jours? Et ça, c'est parmi les choses les plus bénéfiques aux croyants, et c'est la chose la plus oubliée dans cette umma, et c'est également la cause de la réforme des premières générations, comme ceci est mentionné dans un hadith. C'est de voir la mort proche, et qu'elle peut arriver à n'importe quel moment. Comme il est rapporté de Omar ibn Abdel Aziz, لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد. Allahu Akbar. Il dit ici, le rappel de la mort quitte mon cœur, ne serait-ce qu'un petit laps de temps, il sera corrompu. Il deviendra corrompu, alors que dire des gens comme nous, et je parle de moi le premier, qui ne pense à la mort que rarement, Et même quand un grand rappel de la mort vient, tel qu'une prière mortuaire ou une prière funéraire, tu nous vois même pendant ces événements, qui sont des événements de grand rappel, même pour les mécréants, tu nous vois dans une insouciance et tu peux voir l'un d'entre nous rigoler et yani parler comme si rien n'en était. Et en général, les gens qui ne tirent pas profit de ces rappels, c'est parce qu'ils ne se mettent pas à la place du mort, du défunt, et que ça aurait pu être toi, et que la fin des temps est arrivée pour celui qui est mort, et que l'occasion de l'œuvre est finie pour lui. Cette possibilité est fermée à jamais. Wallah al-musta'an. Donc ça, c'est la première chose. C'est de réaliser qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de vivre jusqu'à ces jours au sujet duquel le prophète alayhi salatu wa salam a dit, comme il est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, « Ma min ayyamin al-amalu s-salihu fihinna ahabbu ila Allah minhu fi hadhihi al-ayyam al-ashr. » Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, « Il n'y a pas des jours dans lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées par Allah que pendant ces 10 jours. » Il parle des 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Ils ont dit, les compagnons s'étonnent, ils ont compris ce sens général et global. Ils ont dit, même pas le combat dans le sentier d'Allah. Ils savent le statut du combat dans le sentier d'Allah. Le combat dans le sentier d'Allah, quand il remplit les conditions, quand il est dans la conformité à la sunna, avec une bonne intention, la sincérité, et vouloir que la parole d'Allah soit la plus haute. Quand ces conditions sont réunies, les compagnons savent le mérite du combat dans le sentier d'Allah, pour faire triompher la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit même pas le combat dans le sentier d'Allah. Il a dit même pas le combat dans le sentier d'Allah. Excepté un homme qui est sorti avec sa personne et ses biens. Il n'est revenu de rien de tout cela. Allahu Akbar. Excepté cette œuvre qui vient d'être décrite par le prophète alayhi salatu wa salam. Il n'y a rien qui atteint dans le mérite les œuvres pieuses dans les 10 jours du mois Dhul-Hijja. Quelqu'un peut se poser la question, même pas dans les 10 derniers jours de Ramadan, na'am. Même pas, donc, ces jours-là, les œuvres pieuses sont meilleures que même les œuvres pieuses accomplies pendant les 10 jours du mois de Ramadan. Et le Nabi alayhi salam a dit les jours. Donc ça englobe la journée et la nuit. Mais beaucoup de savants précisent que les 10 dernières nuits de Ramadan sont meilleures de manière absolue. Et que les 10 premières journées du mois de l'Hijja sont meilleures de manière absolue. Et les nuits ont également un immense mérite. Mais pas comme le mérite des 10 dernières nuits de Ramadan, dans lesquelles se trouve Laylat al-Qadr, la meilleure nuit dans l'année. Et dans les 10 premières journées de Dhul-Hijja se trouve le jour de Arafah, et se trouve le jour de l'Eid. Le jour de l'Eid, le meilleur jour dans l'année d'une manière absolue. Comme vous savez, il y a une divergence entre les savants sur la détermination du meilleur jour dans l'année. Est-ce que c'est le jour du vendredi, ou le jour de Arafah, ou le jour de l'Adha, le jour de l'Eid de l'Adha? Et l'avis qui est choisi par le muhaqqiqin, tel que Cheikh l'Islam Taymiyyah, c'est que le jour de l'Adha est le meilleur jour dans l'année d'une manière absolue. Dans ces jours se trouvent ces 2 jours-là. Et le vendredi, c'est le meilleur jour dans la semaine. C'est le meilleur jour dans la semaine. Donc, on va se limiter à ce hadith, car en réalité, rien que ce hadith dans l'authentique de l'imam al-Bukhari est suffisant pour réaliser le grand mérite de ces jours. C'est les meilleurs jours de dunya, comme il est rapporté dans un autre hadith. Donc, les 10 premières journées de Dhul-Hijja, c'est les meilleurs jours de l'année. Et les œuvres qui sont légiférées dans ces jours, ce sont toutes les œuvres pieuses. Œuvres pieuses, c'est toute œuvre légiférée et accomplie avec sincérité. C'est-à-dire dans laquelle il y a les deux conditions. La condition de la sincérité et la condition du suivi. Mais pour commencer ces 10 jours, et pour commencer n'importe quel jour de ta vie, de manière générale, mais comme on parle du mérite de ce jour-là, il est important de mentionner une adoration immense qu'on peut souvent oublier et qui est la première dans l'importance, l'adoration de Tawba, du repentir et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser la désobéissance et de revenir vers lui et vers son obéissance. At-tawba, cette immense adoration qu'Allah aime énormément. Et Allah aime ceux qui se repentent. Et si on ne se repentait pas et on ne faisait pas de péché, Allah nous aurait fait disparaître et créer d'autres gens qui font des péchés et qui se repentent. Tellement Allah subhanahu wa ta'ala aime les repenteurs. Donc l'importance de cette adoration et de commencer avec réside dans ce principe général que tu dois avoir dans ta vie, c'est at-tahliya qabla at-tahliya. Tu dois d'abord te purifier du mal avant de remplir avec le bien. Et ça, c'est un principe que tu dois avoir dans toute ta vie. Cheikh al-Albani rahimahullah, ce grand imam de cette époque, ce grand imam revivificateur de la religion de l'islam et qui a fait à lui seul des travaux que des pays en entier ne peuvent pas assumer. Qu'Allah lui fasse miséricorde, ce grand imam de la sunna, cet imam revivificateur de la religion de l'islam de notre époque. Et comme vous savez, le revivificateur, cette description, c'est une description et pas une détermination d'un individu, comme a montré Cheikh l'Islam Taymiyyah. Donc, les revivificateurs à une époque, ça peut être un ensemble de savants, un groupe de savants, et pas forcément un seul homme. C'est une description, celui qui réunit ces conditions, elle peut lui être donnée. Et les grands imams de notre époque l'ont donnée à ce grand savant, qui est Cheikh al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, et qu'Allah élève son degré dans le paradis, et qu'Allah nous fasse suivre la voie qu'il nous a tracée, notamment ce principe sur lequel il a passé, dans lequel il a passé toute sa vie. At-tasfiya wa at-tarbiya. La purification avant l'enseignement, tu dois te purifier des mauvaises choses que tu as, des innovations, avant d'apprendre les sunan. Et tu dois te purifier des péchés avant de faire les bonnes actions, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un principe important que doit avoir le croyant dans toute sa vie. Donc on commence ces jours-là avec une purification et avec une tawba sincère qui réunit ces conditions. Toi qui écoutes la musique, c'est le moment d'arrêter ce péché. Toi qui regardes les filles, c'est le moment d'arrêter ce péché. Toi qui évolues dans un milieu de mixité, c'est le moment d'arrêter ce péché. Et toi qui as boycotté ton frère ou ta sœur sans raison valable pour des causes de dunya, c'est le moment de mettre fin à ce boycott. Et même toi qui l'as boycotté pour une raison valable, pour un égarement sur lequel il a été conseillé, il n'a pas voulu revenir, c'est le moment de corriger ton intention et d'avoir la sincérité et que ce boycott soit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas tu voulais te débarrasser de ce frère et t'as saisi l'occasion yani, pour te débarrasser de lui. Al-Hajr doit être fait pour Allah subhanahu wa ta'ala quand la personne le mérite. Également parmi les adorations les plus importantes, comme vous savez, dans chaque période, quand il y a des adorations qui sont mentionnées dans les textes, ce sont les adorations les plus importantes dans cette période-là. Ça, c'est de manière générale. En l'occurrence, dans les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, ce qui a été mentionné, c'est Al-Dhikr. Et sache, mon frère, en Allah subhanahu wa ta'ala, que tu ne peux pas te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec quelque chose qui est meilleur que sa parole, Al-Qur'an Al-Karim, qui est le meilleur de dhikr. La meilleure évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de réciter, de psalmodier sa parole. Et que dire quand tu le fais avec méditation et compréhension, ça va être bénéfique. يعني dans cette dunya et dans l'akhira. Car l'effet du Coran et de la récitation du Coran sur les maladies du cœur est semblable à l'effet du miel sur les maladies du corps. L'effet du Coran sur les maladies du cœur qui sont les pires des maladies. Pire que les péchés de l'apparence. Et le croyant doit tout réformer. En parallèle, l'apparence et l'intérieur. Mais c'est une négligence d'accorder toute l'importance à ton apparence et de négliger ton cœur. Et la sincérité, c'est de réformer les deux en parallèle. Comme ça a été rapporté de Hassan al-Basri. Donc, tu ne trouveras pas un meilleur remède pour ton cœur et pour les maladies de ton cœur que Al-Qur'an Al-Karim, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de pieux, pendant cette période, ils terminent le Qur'an en entier, pendant ces 10 jours. Donc, tu peux lire 3 juz par jour. Ça te prendra 1 heure et tu finiras le Coran dans ces 10 jours. Qu'Allah nous le facilite. Qu'Allah nous le facilite et me facilite à moi le premier Arbi Ami. Et également, l'adhkar, de manière générale, al-takbir, al-tahmid, al-tahlil, comme ça a été rapporté des compagnons, radiyallahu anhum. Et ça a été rapporté d'eux avec des formules qui sont authentiques, est différente. Donc, si tu utilises une de ces formules, yani, c'est bien. Ça a été rapporté de Abdullah ibn Mas'ud, de Abdullah ibn Abbas, de Abu Huraira, radiallahu anhum. Mais, wallahu alam, la plus authentique, c'est celle qui a été rapportée de Abdullah ibn Mas'ud. De mémoire, elle est rapportée dans les 2 authentiques. De dire, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Et ça a été rapporté de lui également, il disait « Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. » Donc, du moment que tu fais « At-Takbir, At-Tahmid, At-Tahlil » avec une des formules rapportées des compagnons, radiyallahu anhum, c'est une bonne chose. Et c'est recommandé de faire « Al-Dhikr » et surtout « At-Takbir, At-Tahlil, At-Tahmid » pendant ces 10 jours d'une manière absolue, de jour comme de nuit, chez toi comme à l'extérieur, dans les marchés, dans partout où tu peux. Il est rapporté de Abdullah ibn Umar et de Abu Huraira radiallahu anhuma qu'il allait dans les marchés et qu'il ne voulait rien de ces marchés, uniquement pour pratiquer cette adoration et faire le rappel aux gens d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces jours-là. Et également, sans légiférer, toutes les œuvres pieuses, y compris le jeûne. Le jeûne fait partie des œuvres pieuses. Il est légiféré de jeûner pendant ces 10 jours. Et quand les savants ils disent pendant les 10 jours, ils veulent pendant les 9 premiers. Car comme vous savez, il est interdit de jeûner le jour de l'Eid. Donc c'est min bab al-taghlib. Et celui qui a des jours de Ramadan à rattraper, c'est une occasion pour lui de les rattraper pendant ces jours-là, en espérant avoir la récompense du rattrapage de Ramadan pendant les meilleurs jours de l'année, et également en espérant pour lui avoir le mérite du jeûne pendant ces jours-là. Et sinon, toutes les autres adorations légiférées sont recommandées, fortement recommandées, notamment l'accomplissement du pèlerinage et de l'umra, pour celui qui en a la capacité, l'immolation de la bête, le sacrifice, qui est la meilleure adoration pendant le meilleur jour de l'année. C'est de sacrifier la bête pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, je vous recommande à tous de le faire et de ne pas délaisser cette adoration immense. Et il faut savoir que l'adoration, c'est de couler le sang pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'acte de l'immolation et du sacrifice, et non pas le fait de manger la viande. Ça, c'est autorisé. Ça peut être une sunna si tu manges comme Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mangé, mais de manière générale, ça reste autorisé. Car on entend beaucoup de nos frères qui disent « Moi, je vais pas faire l'Eid parce que je n'aime pas la viande du mouton. » Ou « J'aime pas la viande rouge de manière générale. » Yahi, c'est pas ça l'adoration, c'est pas de manger la viande rouge ou la viande blanche. L'adoration, c'est de faire couler le sang pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc fais-le, même si t'aimes pas, et distribue la viande aux pauvres. Mais ne laisse pas passer cette opportunité de sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala et de pratiquer cette adoration qui est un pur tawhid. Tu sais que il y a des gens qui sacrifient pour leur divinité, leur fausse divinité. Et toi, tu sacrifies pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne sois pas leurré par shaitan et délaisse cette adoration immense, la meilleure adoration dans le meilleur jour de l'année, tu la délaisses sous prétexte que tu n'aimes pas la viande. Même si tu n'as pas les moyens, il t'est recommandé d'emprunter de l'argent pour faire cette adoration. Et on espère qu'Allah te permette de rembourser cette dette que tu as fait pour une adoration comme celle-là. Mais sans aucun doute, celui qui n'a pas les moyens, c'est pas une obligation pour lui. Même pour ceux qui voient que c'est une obligation. Alors que la plupart des savants voient que c'est fortement recommandé. Également les autres œuvres telles que la salate, l'aumône, fais une sadaqa. Fais-toi un programme de faire une sadaqa tous les jours. Visite les membres de ta famille et surtout ceux que tu n'as pas visités depuis longtemps ou ceux avec lesquels tu as un différend et tu as arrêté de leur rendre visite depuis un moment. C'est l'occasion d'y remédier. C'est l'occasion d'y remédier. Et fais sadaqa, fais salat, nafila. La prière obligatoire, comme il a été cité par l'imam Ibn Rajab, que les salawat obligatoires, leur récompense est plus forte pendant ces périodes bénies. Et donc, pendant ces 10 premiers jours de l'Hijjah, la récompense sera plus forte que pendant les jours de Ramadan. Donc, takbir, pendant ces 10 premiers jours, il est légiféré de le commencer dès que tu vois la lune du premier de l'Hijjah. Et pour nous, comme c'est avec certitude cette nuit que ça va commencer avec le coucher du soleil, donc avec le coucher du soleil, il devient légiféré de faire tekbir et de faire tahmid et tahlil et de ne plus prendre de ses ongles et de ses cheveux, de ses poils, et ainsi de suite. Cette interdiction commence avec le coucher du soleil, bi'idnillah, comme on sait avec certitude que c'est cette nuit-là. Et yani, de ne pas prendre de ses ongles et de ses poils et cheveux, et sa peau également, comme beaucoup de frères posent la question, ça concerne celui qui va sacrifier une bête pour ce Eid. Que ce soit lui qui va tuer la bête directement, ou il va charger une autre personne. Donc c'est lui qui est concerné. Mais quelqu'un à qui on délègue de tuer cette bête et qui ne va pas sacrifier pour lui-même, c'est juste il s'occupe pour une autre personne parce qu'il n'a pas les moyens ou une autre raison, alors celui-là, il n'est pas concerné. Comme bien même, c'est lui qui va tuer le mouton. Donc celui qui est concerné, c'est celui qui va faire l'adoration du sacrifice. Que ce soit lui qui coupe ou pas, qui tue le mouton ou pas, il est concerné. Donc, yani, ça c'est un point important à savoir. Et yani, on a parlé du mérite du jeûne pendant ces jours-là. Bien évidemment, le jour le plus méritoire dans le jeûne et sur lequel il y a un texte du prophète alayhi salam, c'est le 9e jour de ces 10 jours, qui est le jour de Arafah. Un jour dont le jeûne a un mérite que on espère pour celui qui l'a jeûné, que ce soit une expiation pour les péchés de 2 ans pour lui, l'année passée et l'année en cours. Donc c'est immense. Si tu peux jeûner la totalité de ces 9 jours, fais-le. Car chaque jour jeûné, Allah il t'éloigne avec 70 ans du feu de l'enfer. Que dire de celui qui a jeûné les 9 et pendant cette période béni. Et si tu peux pas, jeûne ce que tu peux, et au minimum, jeûne le jour de Arafah. Jeûne le jour de Arafah. Voilà ce qu'on peut dire d'une manière résumée par rapport à cette période. On va commencer une introduction, inshallah ta'ala, de cette risala que nous allons étudier ensemble et qu'on espère terminer. Bien évidemment, cette risala qui est Ad-Durus al-Muhimma li'ammat al-Umma, c'est une risala, comme Cheikh Ibn Baz l'a mentionné, une risala qu'il a écrite pour l'Amma, comme son titre l'indique d'ailleurs, Ad-Durus al-Muhimma li'ammat al-Umma. Yani, les leçons importantes à l'ensemble de la communauté. Donc c'est pour les gens de la masse qu'il l'a écrite. Et on va le comprendre à travers son style, rahimahullah. Et c'est une risala qui avait une grande importance pour l'imam Abdelaziz Ibn Baz. Mais avant de parler de risala, je vais parler brièvement de l'auteur qui est l'imam Abdelaziz Ibn Baz. L'imam Abdelaziz Ibn Abdillah Ibn Abdelrahman Ibn Muhammad Ibn Abdillah Ibn Baz. Un imam revivificateur de la religion de l'islam de notre époque. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Il est né le 12 du mois de l'Hijjah, en l'année 1330 de l'Hégire. Il est né dans la ville de Riyad. Et à sa naissance, Cheikh Rahimallah était voyant. Et ensuite, il a été touché par une maladie, yani, qu'on appelle en arabe marad al-judri, la variole. Yani, cette maladie était très répandue dans la période dans laquelle il est né, rahimahullah. Il a été touché par cette maladie à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, il a été touché par cette maladie et ça n'a cessé d'affaiblir sa vue jusqu'à ce qu'il a perdu la vue totalement en l'année 1350 de l'Hégire, c'est-à-dire à l'âge de 20 ans. À l'âge de 20 ans. Et d'ailleurs, subhanallah, c'est dans cette année-là, l'année 1350,

un grand savant salafi qui est décédé, rahimahullah. C'est parmi les grands élèves de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz. Également Cheikh Abdelaziz Al-Cheikh, comme j'ai dit tout à l'heure, l'actuel mufti, Cheikh Salih Al-Fawzan, c'est un élève de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz. Également Cheikh, le grand savant de Médine, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, qu'Allah leur fasse miséricorde, vivant et mort. Et ça, c'est quelques noms seulement. La liste est très longue des chouyours, des élèves et des chouyours de Cheikh Ibn Baz. Il est décédé, rahimahullah, peu de temps avant la prière de l'Fajr, du jeudi 27 Muharram de l'année 1420 de l'Hégire. Et salat sur lui dans le Haram al-Makki, c'est une salat qui n'a pas eu de semblable avant lui ni après lui. Et je pense que vous pouvez voir, yani, à travers des vidéos, salat sur Cheikh dans le Haram al-Makki et comment elle a été. Et ça, c'est ce qui distingue les gens de la Sunna des gens de l'innovation. Parmi les choses qui les distinguent, c'est al-janaza. Qu'Allah lui fasse miséricorde ainsi qu'à tous les savants de la Umma. À lui, à l'autre grand imam, Mohammed bin Saleh al-Uthaymeen, et au premier imam qu'on a cité tout à l'heure, Cheikh al-Albani, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous. Donc par rapport à ce livre qui est Ad-Durus al-Muhimma, comme j'ai dit, c'est un livre qui a été fait pour les gens de la masse. Yani, pour le commun des musulmans. Pour l'awam. À travers lequel, Cheikh Rahimahullah a voulu enseigner les choses importantes et fondamentales pour les gens de la masse. Les gens qui ne savent ni lire ni écrire. À la base, c'est ça. Et ça, on va le comprendre à partir de la première leçon. Car il parle de leur enseigner le Coran, yani, pour des gens qui ne savent pas lire ni écrire. Donc ils ne peuvent pas apprendre eux-mêmes. Yani, il parle de talqin, de l'enseignement de le Coran. C'est pour ça, celui qui veut traiter cet épître, il doit prendre en considération l'intention de l'auteur. Il l'a fait pour des gens qui débutent, qui veulent apprendre les bases de leur religion, qui ne savent pas lire ni écrire, donc c'est des gens débutants. Il doit prendre en considération ce point dans son explication et ne pas s'étaler et rentrer dans des détails très minutieux. Il doit faire le livre comme l'auteur l'a voulu. Et il ne transforme pas un livre qui est fait pour les débutants en un livre pour les étudiants en sciences, en étape intermédiaire ou des choses comme ça. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire, bi'idnillah, et de passer ce livre en prenant en considération cette remarque. Donc, ce livre, il est composé de 18 cours. Cheikh Rahimullah a fait ce livre en 18 cours. Le premier cours, il parle de l'enseignement du Coran et de sa mémorisation, de sa compréhension, de sa mise en pratique conformément à la voie de Salaf. C'est comme ça qu'ils apprenaient le Coran. Et il a cité Sourate Al-Fatiha, il a cité également d'autres sourates qui commencent par Sourate Zalzala jusqu'à Sourate Nas. Ça, c'est le premier cours. Après, dans le deuxième cours jusqu'au sixième, un enseignement de l'islam et de la foi et de la bienfaisance et des piliers de chaque degré, et également une clarification du monothéisme, al-tawhid, et de ses différentes catégories. Donc il a consacré pour cela six cours. Ensuite, du septième cours jusqu'au onzième, quatre cours sont consacrés à l'enseignement de la salat, la connaissance de ses piliers, de ses conditions, de ses obligations, de ses sunan, yani les choses recommandées, surrogatoires dans la salat, et également de ce qui invalide la salat. Ce qui invalide la salat. Ensuite, du 12e cours au 14e, c'est-à-dire 3 cours, sont consacrés à l'enseignement des ablutions. La même chose, yani on va apprendre les conditions des ablutions, les obligations et ce qui invalide les ablutions. Ensuite, en 2 cours qui sont réservés à la bonne moralité et au bon comportement. Et vous constatez que dans des cours pour débutants, pour des gens qui ne savent ni lire ni écrire, yani l'importance est donnée au bon comportement. Et ça, vous le constatez dans les livres de l'Aqida de manière générale, qu'il parle toujours du comportement pour son importance dans l'islam. Comme bien même, yani, ça peut ne pas rentrer dans les obligations et dans les choses yani, qui font sortir de l'islam ou de salafia ou de des choses comme ça, mais le comportement a une importance capitale dans la religion de l'islam. Au point où le prophète عليه الصلاة والسلام dit إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Comme si le Nabi عليه الصلاة والسلام, il réduit la sagesse pour laquelle il a été envoyé en le perfectionnement du bon comportement et de la bonne moralité. Allahu Akbar. S'il y a quelque chose plus forte, ça c'est parmi les choses les plus fortes qui montrent le statut du comportement de l'akhlaq dans l'islam. Et combien d'entre nous peuvent faire fuir les gens de la vérité avec des mauvais comportements. Avec des mauvais comportements. Wallah al-musta'an, qu'Allah nous pardonne. Dans le 17e cours, l'avant-dernier, il parlera d'une mise en garde contre l'associationnisme et contre les péchés de manière générale. Et dans le dernier cours, il parlera, rahimahullah, de ce qui concerne la préparation du mort, les obsèques, à savoir le lavage, le linceul, le salat sur le mort et l'enterrement. Donc vous voyez que malgré que c'est très concis, en 18 cours, quelques pages, ça nous permet de voir, yani, à partir du Coran et de sa mémorisation, de sa compréhension et sa mise en pratique, en passant par l'islam, l'iman, l'ihsan, et tawhid, shirk, salat, l'wudu, le comportement, et ce qui concerne le mort. Donc ça, c'est d'une manière globale, les sujets de cette risala, de cet imam contemporain, rahimahullah, que nous allons voir, yani, on va faire ce qu'on pourra chaque séance, si on peut faire un cours, voire plus, inshallah. Yani, on la fera d'une manière à ne pas rentrer trop dans les détails et ne pas rentrer trop dans les arguments, mais pour comprendre ce que cet imam a voulu qu'on comprenne. A voulu qu'on comprenne. Et vous allez constater que c'est très très bénéfique. Et même pour ceux qui l'ont étudié précédemment, ça sera une bonne révision. Et la science a besoin de révision, d'être révisée, car sinon, tu l'oublieras. Celui qui ne révise pas sa science, il finira par l'oublier. Et Cheikh Abdelaziz, rahimahullah, il donnait énormément d'importance à cette risala. Parmi les choses qui montrent clairement cet intérêt immense qu'il donnait à cette risala, alors qu'il avait d'autres ouvrages plus grands, mais il donnait beaucoup d'importance pour cette risala, pour son sujet, et parce qu'elle est fondamentale pour tout muslim. Et il n'a cessé de faire des rectifications, des corrections, des rajouts, des diminutions dans cette risala, jusqu'à la dernière année dans laquelle il est décédé, rahimahullah. Et ça vous montre l'importance qu'il accordait à cette risala. Donc, accordez-lui, vous également, de l'importance et un grand intérêt, et essayez de prendre des notes et ne pas vous contenter de la simple écoute afin que le profit soit plus grand qu'Allah fasse qu'elle soit profitable pour moi et pour vous, inshallah ta'ala, ou sans dire inshallah, il y en a, comme vous savez, dans le dua, on ne dit pas inshallah. Qu'Allah fasse qu'elle soit profitable pour moi, ainsi que pour mes frères et mes sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter sur ça aujourd'hui, et demain, on commencera directement avec le premier cours. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alameen. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك